regarder. Mais celui-là c'est plus particulier. Depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il est devenu un putain de dictateur. Mais ta formation de... Mais tous ces lois pour enculer ton chat. On va se faire payer, tu vas pas le regretter. Avec ses rapidons, il gère tous les matons. Ça n'est qu'un autre assis, comme ça n'est jamais vu. C'est l'insécurité, ça l'a toujours été. Y'a quelqu'un pour s'en occuper. Pourtant il est prêt à tuer. Mais ta compassion là. Ouais. Pourtant que tu t'éloignes pour reculer ton chat. Non, non, mais yes. Il a mis en place sa milice pour nous protéger du vide. C'est là qu'on l'a tous les soirs pour nous sortir du brouillard. Après qu'on l'a lavé, et le chat est assuré. Il me dit donne-moi ta grossesse, moi qui balance une challenge. Mais j'attends ma chambre. Quand on fait toutes ces lois pour enculer ton chat, je vais réveiller. On va se faire payer, tu vas pas le regretter. Ce connard, ce petit vide mon chasseur. Et en arrière côté, c'est sur les fleurs enfermées. J'ai perdu à la haine, et ils ont prouvé à elle. Et dans la main en vue, même si j'en ai accumulé. Mais j'attends ma chambre. On fait toutes ces lois pour enculer ton chat. Ça arrête d'être vieux. On va se faire payer, tu vas pas regretter. Mais j'attends ma chambre. On fait toutes ces lois pour enculer ton chat. Ça